Audiomatique. So special love about me, I'm old. Nous inaugurions cette transmission 1-4-1 d'Audiomatique avec le duo français de Do et la chanson Too Insistent, remixée par l'artiste danois Trent Müller. Ce remix apparaît comme pièce bonus sur la version française de l'album Both Ways Open Jaws de la formation de Do, lancé sur étiquette Naïve. On peut aussi le retrouver sur l'album Reworked Remixed de Trent Müller. La musique électronique habite les électronistes depuis fort longtemps. À un point tel que la musique électronique constitue l'habitat naturel des électronistes. Les sons, rythmes et mélodies synthétiques forment l'écosystème dans lequel évoluent les électronistes à travers les différents moments de leur vie. Et parmi ces moments se trouvent évidemment les transmissions d'Audiomatique qui permettent non seulement aux électronistes, mais aussi aux artistes qu'ils choisissent d'habiter les ondes radiophoniques et aux auditeurs de laisser la musique électronique habiter leur environnement et, ainsi, de se laisser habiter par la musique électronique. You were. far place. I can hear a train is coming, coming from a far place. Nothing's what it seems on the other side. Can feel it from afar. The grass is always greener on the other side. Can see it from afar. On the runaway train, with nothing to gain. I can hear a train is coming. Thank you. c'est sur la musique de la formation islandaise Legend que se concluait cette séquence de deux pièces de son premier album et seul album Fearless, paru en 2012. Nous écoutions la pièce Runaway Train. Et avant Legend, c'était le groupe canadien Ostra qui nous présentait la pièce-titre du maxi Habitat, sorti uniquement en format 12 pouces en 2014. Pour la suite d'Audiomatique, nous avons pour vous le projet russe IDEM. Thank you. On entendait à Audiomatic le duo autrichien Duo 505 et leur composition World Gig Beetle Party, parue sur l'album Walzer oder Nicht. Et pour débuter cette séquence, il s'agissait du projet IDEM, mené par le russe Konstantin Tirantiev, qui nous présentait sa pièce Rise and Shine de l'album Prism, qui comprend également des pièces de son compatriote Alexander Daff, ou si vous préférez, Alexander Ivanov. C'est le projet Bionic qui lance la prochaine séquence musicale avec la pièce Trail of Torment. We'll be right back. Audiomatique, on vient tout juste d'entendre la formation belge de Clinic sous son incarnation originale formée en 1985 et composée de Dirk Evans et Mark Verhagen. La pièce Bite Now Bite est tirée de l'album Eat Your Heart Out paru en 2013 qui a réuni les deux artistes après 20 ans de séparation. On se rappelle que Dirk Evans avait quitté la formation en 1991 pour travailler sur son projet solo Dive, laissant Mark Verhagen seul aux commandes de Clinic. Avant cela, nous entendions la collaboration entre deux projets argentins, à savoir Astro Suka et Ornamenti Doro, qui nous offraient leur pièce conjointe Hawel Tula Nasuta, qu'on retrouve sur la compilation Industria Tropical. Et on amorçait cette séquence de trois pièces avec Bionic, une formation qui a vu le jour en 1995 avec son album Rest in Peace. De cet album, nous écoutions la pièce Trail of Torment, la Mighty Version. Le dernier groupe que nous vous présenterons pour cette transmission d'Audiomatique sera Blue Foundation, qui nous interprétera la chanson Lost, sur laquelle on peut entendre Sarah Savory. Cette pièce est extraite de l'album In My Mind, I Am Free. La fin de la transmission 1-4-1 d'Audiomatique ne marque que la continuité vers la transmission 1-4-2 qui aura lieu en direct mercredi prochain dès 17h, toujours sur les ondes de CFOU 89.1 FM. D'ici là, vous pouvez apprécier l'ensemble du continuum d'Audiomatique grâce à l'archivage des transmissions antérieures disponibles sur nos profils mixcloud.com/audiomatique et facebook.com/audiomatique-cfou. Voici donc Blue Foundation et Sarah Savory et la chanson Lost. C'était Audiomatique avec les électronistes. Get so past this without.